The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Footwork. Le jeu de jambes. Beefy. Costaud. Speed. La vitesse. To box. Boxer. Hook. Le crochet. Fist. Le poing. To have guts. Avoir dans le ventre. Uppercut. L'uppercut. In no time. En moins de deux. Arch of the eyebrow. L'arcade sourcilière. To swell. Gonfler. To knock someone out. Mettre quelqu'un KO. Punch. La patate. Stretcher. La civière. Now, a bit faster. To swell. Gonfler. Uppercut. L'uppercut. Arch of the eyebrow. L'arcade sourcilière. Hook. Le crochet. Stretcher. La civière. Footwork. Le jeu de jambes. Punch. La patate. Footwork. Le jeu de jambes. Punch. La patate. Fist. Le poing. Speed. La vitesse. Uppercut. L'uppercut. Hook. Le crochet. Speed. La vitesse. To have guts. Avoir dans le ventre. Stretcher. La civière. Speed. La vitesse. In no time. En moins de deux. Footwork. Le jeu de jambes. Fist. Le poing. To swell. Gonfler. To knock someone out. Mettre quelqu'un KO. Fist. Le poing. Footwork. Le jeu de jambes. Punch. La patate. Speed. La vitesse. Beefy. Costaud. Now, use the words in context. Le jeu de jambes. This player became famous thanks to his footwork. C'est grâce à son jeu de jambes que ce joueur est devenu si célèbre. Costaud. They are going to move soon. They are going to need strong people to help them. Ils vont bientôt déménager. Ils vont avoir besoin de personnes costaudes pour les aider. En moins de deux. I was suddenly inspired and wrote my essay in next to no time. J'ai été subitement très inspirée et j'ai écrit ma dissertation en moins de deux. Gonflé. She had her wisdom teeth removed and now her cheeks are all swollen. Elle s'est fait retirer les dents de sagesse et a les joues toutes gonflées. La civière. The boxer was evacuated on a stretcher. Le boxeur a été évacué sur une civière. En moins de deux. I was suddenly inspired and wrote my essay in next to no time. J'ai été subitement très inspirée et j'ai écrit ma dissertation en moins de deux. La civière. The boxer was evacuated on a stretcher. Le boxeur a été évacué sur une civière.